nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'émission que vous allez entendre dans un instant est un périple musical sur les traces du romantisme cher à Victor Hugo. L'écrivain, qui était aussi, à ses heures perdues, dessinateur et s'était inspiré des paysages de vestiges de vieux châteaux. La ruine romantique vue par Victor Hugo, c'est une figure obligée de la culture classique mise en correspondance dans cette émission avec la musique romantique de Schubert et Wagner. Les ruines romantiques à la recherche du passé par Rémy Stricker. Aujourd'hui, les châteaux avec la participation de Martine Cadieux et Arnaud Laster. Euphonia. Sur la musique de Donizetti pour Lucia di Lammermoor, description d'un château par Walter Scott dans son roman La fiancée de Lammermoor. Toujours croissant des vagues de la mer leur avait annoncé depuis longtemps qu'ils approchaient des rochers sur le sommet desquels les ancêtres de Ravenswood avaient construit leur forteresse, comme l'aigle sonnèrent. La lune, qui jusqu'alors n'avait jeté qu'une faible lueur, sortit tout à coup radieuse du milieu des nuages et éclaira la tour nue et solitaire située sur un rocher contre lequel venaient se briser les vagues de l'océan germanique. De trois côtés, le roc escarpé semblait inabordable. Du seul côté qui regardait la terre, il avait été fortifié dans l'origine par un fossé et un pont-levis. Mais le pont n'était plus que ruine et que décombre, et le fossé avait été comblé en partie de manière à ce qu'un homme à cheval pût pénétrer dans la cour, entouré de deux côtés d'écuries et autres bâtiments en ruine, tandis que du côté de la terre, elle était défendue par un mur crénelé. Le quatrième angle était occupé par la tour elle-même, qui, haute, étroite et construite en pierre grisâtre, apparaissait à la clarté de la lune comme le spectre d'un énorme géant. Il était difficile de se figurer rien de plus sombre, rien de plus sauvage et de plus triste que cette habitation. Le murmure sourd des flots qui frappaient continuellement contre le rocher était pour l'oreille ce que le site était pour la vue, un symbole de deuil, de monotonie et même d'horreur. Quoique la nuit ne fût pas très avancée, rien n'indiquait qu'il y eût aucun être vivant dans cette triste demeure, si ce n'est une faible lueur, aperçue à travers une des fenêtres étroites percées à des hauteurs et à des distances irrégulières, dans les murs du château. Arnaud Laster, l'appartement de Victor Hugo, dans la maison de Victor Hugo. Et ce qui nous frappe tout de suite, c'est la photo des ruines du château de Vianden. Hugo a fait un dessin. Il a fait beaucoup de dessins, même, de Vianden, où il est retourné plusieurs fois pendant l'exil et aussi après la Commune. Il s'est réfugié... Après l'expulsion de Belgique, vous savez qu'il avait été accusé de troubler l'ordre public parce qu'il avait offert de recevoir les pourchassés de la Commune dans son appartement de Bruxelles. Et il a passé donc quelques temps dans ce Vianden qu'il avait beaucoup aimé lors de ses passages dans les années 1860. Et sur une photo du château de Vianden, qui était en ruine, il a inscrit une formule que je trouve extrêmement riche de significations diverses. Le passé n'est beau qu'ainsi, en ruine. L'enfance de Victor Hugo. Arnaud Laster, je crois qu'il a 9 ans lorsqu'il va pour la première fois en Espagne et qu'il voit des ruines. En effet, il en voit même avant d'arriver en Espagne, et c'est une chose très curieuse. Au théâtre de Bayonne, il y a une halte, ils vont rejoindre le père qui est en campagne là-bas, et on donne au théâtre de Bayonne un mélodrame de Pixérécourt. C'est raconté beaucoup plus tard par Hugo. On se demande quelquefois d'ailleurs si c'est bien ce qu'on donnait, mais enfin, peu importe, c'est le souvenir qu'il en a gardé, et en tout cas qu'il a voulu en laisser. Pendant un mois de suite, tous les soirs, on donne dans ce théâtre de Bayonne les ruines de Babylone. Et au début, évidemment, ils sont passionnés, et puis plus ça va, plus le temps passe, plus ils commencent à se lasser de revoir le même spectacle. Mais tout de même, c'est quelque chose qui a dû le marquer considérablement. Et en plus, alors c'est presque trop beau pour être vrai, c'est Babylone, c'est-à-dire Babel, et le thème des ruines et de Babel va parcourir l'œuvre entière de Hugo. Il y a déjà dans ce dessin, je trouve, un côté opérant. Il y a des soldats qui marchent à gauche, il y a une carriole extrêmement chargée, plusieurs. Au loin, on voit un pont entre deux montagnes rocheuses, très dramatiques, c'est presque un décor. Château à la Walter Scott, bien sûr, le sextuor de Lucia di Lammermoor. Ingrata, ama sei peut se demander si le thème des ruines ne s'ancre pas au moins autant dans une œuvre dramatique, une pièce, que dans la réalité. Et pourtant, dans cette réalité, il y a la guerre d'Espagne, il y a des ruines toutes fraîches, si je puis dire, fumantes. Il passe par exemple dans un village qui s'appelle Torquemada, tour brûlée, et c'est des souvenirs absolument inoubliables de violence, de cruauté, d'horreur, et aussi d'un pays dévasté par une guerre. Et ça, ça marque un enfant à jamais. Et donc, les ruines vont toujours apparaître chez Hugo d'une façon un peu ambivalente, comme signe positif d'un passé qui a été splendide et magnifique, et aussi comme signe de destruction, jusqu'au jour où cette destruction deviendra, à son tour, prometteuse d'avenir. Dans certains décors ou maquettes de décors de Victor Hugo, on trouve un aspect fantomatique, comme si le vent était entré soudain par des voûtes inachevées et faisait trembler de grands rideaux. Oui, et particulièrement dans le théâtre qui va naître du voyage sur le Rhin, c'est-à-dire les Burggraves. Il y a dans les pièces qui précèdent déjà une espèce d'esthétique du contraste qui amène de palais superbes, de cours royales, jusqu'à des lieux extrêmement sinistres, voire délabrés. Dans Le Roi s'amuse, par exemple, il y a des contrastes extraordinaires comme ça, entre la cour de François Ier et puis un cul-de-sac parfaitement misérable. Marguerite Aurouet ne trouvait plus de mots pour sa tristesse. Elle répétait inlassablement « les ruines de ma vie ». Goethe est là, dominateur, et Méphisto, prince des ténèbres. Nous sommes dans un château médiéval. Schubert donne à Marguerite une voix grave pour chanter une sombre ballade et il l'entoure de divers silences. Il était jadis un roi de Tulé. Lorsqu'il fut sur le point de mourir, il compta les villes de son royaume. Berlioz lit le premier Faust de Goethe dans la traduction de Gérard de Nerval, Fascination. Marguerite est ici dans le trouble d'un rêve que traversait la forme fugitive de l'amour. Dehors, le jardin frémissant, à l'intérieur, la voix de la jeune fille, très pure. Elle chante, elle aussi, l'ancienne ballade qui raconte la fin d'une vie. Et c'est déjà comme si son propre rêve déclinait, tombait en cendres. Un violon la soutient en ombre portée devant les cordes. Es ging ihm

Cette fois-ci, la pièce donne sur la place des Vosges. Elle est tapissée de rouge. Sur ce rouge, les dessins de Hugo sortent comme un peu de ténèbres, comme des orages. Ils sont assez violents. Il y a par exemple une signature très large, Victor Hugo, un peu chaotique, un peu en forme de fragment de pierre. Et derrière, deux ombres qui pourraient être les deux tours d'une cathédrale, on ne sait pas bien. Oui, le titre qui est donné, c'est « Ruines d'un burg ». Je ne sais pas si le titre est d'origine. En tout cas, nous sommes dans une pièce où il y a plusieurs dessins de Hugo et plusieurs burgs. C'est vraiment un des motifs dominants de ces dessins des années 40-60, mais aussi plus tardif. C'est quelque chose qu'il n'a jamais cessé de travailler, cette idée de l'écroulement et en même temps de ce qu'il y a d'extraordinaire, de beau dans la ruine. Et il y a un grand burg à la croix qui date de 1850. Et ce qui est étonnant, c'est que le voyage sur le Rhin date de 40, enfin autour de 40. Et avec Juliette. Avec Juliette. Les burggraves datent du retour de ce voyage et les dessins sont beaucoup plus tardifs. Une dizaine d'années environ. Et entre les deux, eh bien, il y a eu une fracture dans la vie de Hugo, c'est la mort de Léopoldine. Et cette mort de Léopoldine marque une grande rupture, une rupture qu'il va résoudre difficilement, étant donné qu'il ne publie plus rien pendant 10 ans, ce qui est incroyable quand on pense à la prolifique production de Hugo pendant toute sa vie. Ces 10 années de silence ne sont pas un silence total du point de vue de la création, puisqu'il y a l'écriture de ce qui va devenir Les Misérables, et puis il y a ses dessins. Et on peut se demander si les dessins ne sont pas une façon de relayer les mots. Mélodrame de Richard Strauss, encore jeune, sur un poème de Uhland, Le château au bord de la mer, le seigneur et sa dame, une jeune fille en robe de mariée, mais tout cela n'est qu'un rêve, elle est morte, comme la fille de Hugo. Gesehen, das hohe Schloss am Meer und den Mond darüber stehen und Nebel weit umher. Der Wind und des Meeres Wallen gaben sie frischen Klang, vernahmst du aus hohen Hallen Saiten und Festgesang. Die Winde, die Wogen alle lagen in tiefer Ruhe. Einem Klagelied aus der Halle hört ich mit Tränen zu. Sahst du oben gehen, den König und sein Gemahl, der roten Mäntel wehen, der goldenen Kronen Strahl? Führten sie nicht mit vorne eine schöne Jungfrau da, herrlich wie die Sonne? Strahlend im goldenen Haar, der Kronenlicht. In schwarzem Trauerkleide. Die Jungfrau sah ich nicht. On imagine le fleuve, on imagine ce Rhin que Schumann aimait tant, qu'il considérait comme le père. Et on voit chez Schumann le côté brillant de la surface et l'horreur des profondeurs qui contient la mort. Là, on ne voit pas le fleuve, mais le ciel est peut-être à l'image du fleuve, chargé de forces noires. Et dans un certain nombre d'autres dessins de Hugo, on voit l'eau et on voit en effet tout ce qu'il y a de menaçant dans l'eau, parce que au fond, il y a la vase, et il y a des textes de Hugo très tôt, dans les années 30, où il évoque comme ça des eaux qui en surface paraissent moirées, relativement séduisantes, et qui en fait contiennent des menaces effrayantes. C'est comme une espèce de prémonition, on a tendance à penser ça, mais en fait, c'est quelque chose qui hante vraiment l'imagination de Hugo. C'est la mort par noyade, et c'est aussi tout ce qu'il peut y avoir dans l'inconscient. Et on prononce là un mot qui a l'air d'un anachronisme, parce que c'est Freud, et pourtant, Hugo dit que ses dessins, il les a conçus souvent dans des moments, je cite, « de rêverie inconsciente ». Des châteaux au bord du Rhin, Hein Schumann. Munter rings um Glück. des Stromes Pracht. Doch ich kenn die oben gleiset mir dein inneres Tod und Nacht, birgt dein inneres Tod und Nacht. Oben Lust im Busen tücken, Strom, du bist der Liebsten Bild, die kann auch so freundlich nicken, lächelt auch so fromm und mild, lächelt auch so fromm und mild. Là, le dessin est presque totalement noir, mais on devine des escaliers avec des pierres énormes, taillées abruptes, d'un modernisme étonnant. Et on débouche en haut sur le ciel par une sorte de grille. C'est le phare. C'est le phare des Casquets, et il l'évoque dans L'homme qui rit, qui est, à mon avis, son roman le plus étonnant, et celui que personnellement je préfère de tous. Et ce roman est de 1866, le dessin l'est aussi, pour une fois, mais c'est pas la seule, il y a aussi le cas des Travailleurs de la mer, il y a pratiquement contemporanéité totale entre une œuvre littéraire et l'œuvre dessinée. Et simplement, on peut constater tout de même un décalage entre la description qu'il en donne dans le roman et le dessin. Le dessin accentue le côté ruine et le côté fantastique. Dans le roman, il dit simplement, par rapport à un autre phare dont il a donné aussi un dessin étonnant qui se trouve à côté de l'autre, le phare d'Eddystone, à côté de ce phare, donc le phare des Casquets apparaît comme un phare primitif, un phare barbare, qui est beaucoup plus simple, beaucoup moins chargé de motifs décoratifs, et qui est en passe de devenir une ruine. Et ce phare a une double fonction. Il peut sauver les gens qui sont perdus dans la tempête, mais il peut aussi leur apprendre qu'ils sont en plein milieu du point le plus dangereux de l'océan et donc leur annoncer peut-être leur mort. Dans les musiques de Richard Strauss, une mélodie, par exemple, comme Le Château au bord de la mer, ou dans les Schumann, on voit les personnages, ou dans Schubert aussi, dans Le Roi de Tulé, on voit les personnages. Ici, on voit des rois, on voit des chevaliers, on voit des dames, des jeunes filles, des fantômes et des mortes. Ici, on ne voit personne. C'est vrai. Il y a presque la moitié des dessins de Hugo qui sont des personnages isolés, sans paysage, sans monument, et l'autre moitié qui sont des monuments, des paysages sans personnage. C'est très étrange cette dualité, comme si il y avait d'un côté les monuments du temps et que le temps d'une certaine façon sublime, et de l'autre d'autres êtres qui, eux, sont la proie du temps et que malheureusement le temps détruit. Un château en ruine, au sommet d'une colline, un chevalier figé dans la pierre. Eichendorff, Schumann, auf einer Burg. Eingeschlafen auf der Laube, oben ist der alte Ritter, trübe gehen Ritter. Là, sur le mur couleur dorée, voici des photos terribles. C'est Jersey. C'est les ruines du château de Montorgueil. C'est des photos superbes, des débuts de la photographie faites par le fils de Victor Hugo, Charles, son ami Vacry. Et Montorgueil, c'est, nous dit Hugo, au moment même de l'épisode des Cariatides, l'ancien nom du Cric. Et la rue Montorgueil, paraît-il, vient de là, à Paris. Et c'est pour ça qu'on appelait Jean Valjean Jean le Cric, à cause de sa force. Bon, et alors, est-ce qu'il y a eu contamination du souvenir de ces ruines et de cet épisode? C'est fort possible. En tout cas, ce nom, bien sûr, est signifiant Montorgueil. C'est tout un symbole, cet orgueil ruiné, l'orgueil du château. Et on en revient donc à notre point de départ, c'est-à-dire le château de Vianden. Le passé n'est beau qu'ainsi, en ruine. Et quelques jours plus tard, on donne une sérénade à Hugo et il répond aux ouvriers qui viennent de lui donner cette sérénade par un très joli discours où il leur dit « Oui, vous êtes dans ce paysage magnifique de Vianden. Eh bien, Vianden est dominé par un château. La Révolution française a tué le donjon et en tuant le donjon, elle a délivré le peuple. » Et maintenant, eh bien, Vianden contient deux choses à la fois magnifiques et consolantes. C'est une ruine et un peuple. Et il dit, tous les peuples d'Europe viendront un jour visiter Vianden et se réjouiront à la fois d'admirer la ruine et de constater qu'il y a un peuple libre en dessous. Un homme qui n'honore pas son passé n'a pas d'avenir. Ce que signifie pour moi, un passé ne doit jamais être passé. Lettre de Richard Wagner à Otto Wessendonck. Parsifal, Monsalva, comme le château de Klingsor, sont déliés de toute réalité. Ils apparaissent et disparaissent selon un geste de magie. Le domaine de Klingsor se transforme en désert. Destruction, blessure, la rédemption est à ce prix. Conscience d'une cité sainte, lumière qui luit derrière la montagne. Le Sauveur, esprit divin, père de l'amour total, souffre et pleure. L'histoire du Christ, métamorphosée dans la vision de la chevalerie teutonique, permet à Wagner d'affirmer sa foi dans l'avenir des hommes. La plaie se referme, une voix nous appelle, inaccessible. Il nous faut à tout prix la rejoindre alors qu'elle se dérobe. La nonne et le chevalier, un duo de Brahms sur un texte de Eichendorff. La terre repose et les étoiles se lèvent. Mon désir veille avec les astres. J'écoute dans la fraîche nuit le bruissement des flots qui montent vers moi. De là-bas m'emportaient les vagues sous ta fenêtre close. Tristement, elles viennent mourir au rivage. Belle dame, reconnais-tu le chevalier ? Des voix étranges, me semble-t-il, flottent dans la tiède brise. Le vent pourtant déjà les a reprises. Ah, combien mon cœur est angoissé ! Là-bas, ton château dresse ses ruines. Des plaintes errent dans les salles délaissées et dans les vallons, dans les forêts. À leur appel, je croyais mourir. Des chants heureux comme autrefois s'avancent. Des jours oubliés depuis longtemps, le souvenir mélancolique m'envahit et je voudrais pleurer de toute mon âme. Là-bas, derrière la forêt, des chevaliers étincelants partent pour la conquête de la tombe du Christ. Vers eux, je tournerai mon navire et tous mes chagrins prendront fin. Dans ce navire qui passe, j'ai vu un homme. Trompeuse nuit, tu égares mes sens. Adieu, ô monde! Que le Seigneur protège les égarés qui cherchent leur route dans les ténèbres. Thank you. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 30 mars 1989. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.